Je vais maintenant vous présenter Serge Gainsbourg, qui pour vous s'est mis en smoking. Voilà. J'ai gagné mon pari. Voilà, Whitney Houston, Serge Gainsbourg, Gainsbar pour les intimes. Voilà, asseyez-vous. Serge, dites-lui que vous l'avez trouvé sublime. Voilà, Serge Gainsbourg. Henri vous demande. Il vous demande comment allez-vous. Ben, il va bien. Yeah, superb. Thank you. Si ça marche, ça doit marcher le micro. Doesn't work. Si my mic doesn't work. He says you are great. Oh, thank you. Voilà, no, I said she's a genius. Voilà, he says you are genius. Oh, thank you. Vous êtes génial. Thank you very much. Oh, so, no. A friend of mine. Say it. Voilà, he says you are great. Il dit que vous êtes très jolie. C'est ça, okay. En gros, ce que tu veux lui dire. Nah. Oui. You are not Reagan. I'm not Gorbachev. So, don't try, hein. I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He said you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. C'est... Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, j'aimerais bien la baiser. Il a dit... T'auras pas de cigarette. Non. You know, sometimes he's a bit drunk, you know. Yeah, I'm not drunk. Il est normal, vous imaginez quand il est sous. Non, vous inquiétez pas, Whitney. Are you sure you're not? Non, il est pas vraiment sous, c'est son état normal. Très bien. Whitney. Chaque fois qu'on essaie de se ranger,

moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même. Pauvre con. Écoute les orgues, le joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même pour con. Premier symptôme, j'ai lu ça quelque part. Une jam session de percussion. Elle est dans mes yeux, image inversée. Je lui dis ni tu ni vous, je lui dis elle. Elle doit le savoir, tu dois le savoir quand même que je t'aime. Mais c'est pas possible d'être aussi conne. Délirium, voilà ce que j'ai. Je te chasse de mes pensées. Je te rejette. Je te fuis. Mais tu me reviens. Toujours tu me reviens. Comme un boomerang. Encore s'il pouvait me frapper d'un coup mortel. Arrêtez ma vie, mais non, tu me reviens comme un bon. Parfois je crois être guéri, je sens que mon cœur bat plus. Je reste jusqu'au petit jour entre la vie et l'amour. tenir. Je ne veux que ça, mot à lui dire. Je t'aime. Alors peut-être. Pas mal du tout. maintenant. On va voir ça de plus près. Pas mal. Oh, comment pas mal? Non mais dis, tu veux rire? Mais elle est terrible. Dans chantent les sirènes. Ou bien, accroché au cargo, dans la sirène d'alarme, sais-tu, es-tu resté? Déjà touché ces lumineux coraux des côtes guinéennes où s'agitent en vain ces sorciers indigènes qui espèrent encore des avions brisés. N'ayant plus rien à perdre, ni Dieu en qui croire, afin qu'il me rende mes amours dérisoires. Moi, comme eux, j'ai prié les cargos de la nuit. Espérance d'un désastre aérien qui me ramènerait mélodie. Mineur détourné de l'attraction des astres. Comment? Ces fleurs qu'on effleure et qui s'en trouvent puis se meurent. Que de larmes et de colliers au pied de mon lit ont roulé. Que de comédies, que d'ennuis pour de si frêles pierreries. Amour sans amour, amour sans amour, l'amour sans amour et sans visage. Amour sans amour, amour sans amour, sans illusion, sans orage. Amour de collège, comment ai-je pu oublier tes sortilèges? L'amour au hasard d'un regard t'a effacé de ma mémoire. Du jardin que j'ai saccagé, dont les herbes se sont couchées, il ne reste rien, je le crains, que ronces mortes sans parfum. Amour sans amour, amour sans amour, amour sans amour, rien n'est plus triste. Amour sans amour, amour sans amour, mais qui sans amour existe? Combien j'ai connu d'inconnus, toutes de roses dévêtues. Araignée sur le plastron de mon smoking, des chauves-souris au plafond du living room. Et toi, dis-moi quelque chose, tu es là comme un arbre rose, aussi glacé que le plastron de mon smoking, aussi pâle que le plafond du living room. Araignée sur le plastron de mon smoking, ses chauves-souris au plafond du living room. Et toi, dis-moi quelque chose, tu es là comme un marbre rose, aussi glacé que le plastron de mon smoking, aussi pâle que le plafond du living room. Thank you. quitté. Les chansons l'ont prouvé que vous ne recherchez pas le succès. Et s'il vient à vous, ce n'est pas de votre fait. D'autre part, vous parlez souvent d'argent, de vente, de rentabilité, de chansons qui marchent ou qui ne marchent pas. Mais c'est pas une contradiction. Ce qui prouve que je ne suis pas si cynique comme on le pense. Si j'étais comme ça... Question d'argent, je ferais beaucoup, un chiffre d'affaires beaucoup plus fort parce que j'écrirais pour tous les gros vendeurs, ce que je ne fais pas. Les gros vendeurs, qui sont c'est Hallyday, François, Mathieu, Chélin, etc. Si je m'amenais avec du bon matériel, je prendrais. Du matériel pour les vendeurs. C'est un jargon. C'est difficile. C'est un peu de choses quand même dans la chanson. Non. Matériel pour les vendeurs. C'était pas un peu déprimant? J'ai bien que c'est un arbitraire. En fait. Si, c'est déprimant, c'est pour ça que je ne le fais pas. Pourtant, les revues spécialisées, les revues pour hommes ou pour femmes, d'ailleurs, donnent souvent comme exemple type du charme. Du charme particulier. De la laideur sexy. Vous l'avez vu, ça, vous n'avez pas joué d'hypocrite. Un certain type d'homme comme ça qu'on donne comme exemple de laideur sexy. C'est vrai? Je sais pas, c'est vrai. Je me plains pas, je suis en bonne compagnie. C'est Talleyrand a dit une fois, je crois que la beauté chez un homme, ça vous faisait gagner 15 jours. C'est un problème pour vous, le physique? Oui, c'est un problème très grave, tant que j'étais... Inconnu? Adolescence plutôt délicate, difficile. Ce temps, je trouvais aucun charme à mes yeux ni à mes propos. J'étais pianiste de bar, ça a commencé à changer. Parce que je chantais à Aznavour. Il n'est pas non plus une sorte de canon de la beauté. Non, mais cette chanson me collait à la peau. Ça faisait défier le soleil par leur éclat de feu. Et les filles revenaient au bain. Elles venaient accompagner, elles revenaient seules le soir. Et des larmes dans les yeux parfois. Et elles vous trouvaient beau? Vous savez, la fascination des pianistes de bain. C'est... On pense peut-être qu'ils ont des mains délicates qui promettent. Ça tricote ses doigts. Adolescence difficile, mais quarantaine triomphante. Triomphante. Avec les cheveux gris, je pense qu'elle est triomphe. Ça vous ennuie, les cheveux gris? J'en ai un peu plus derrière. Non, pas les cheveux, c'est de la vie.